Et pour terminer cette dernière descente du lit avant la relâche, eh bien, on est avec Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, élitiste ici à l'Université Laval. Salut Raymond. Salut David. Ça va bien? Mais ça va très bien, ça va très bien. On a de belles visites qui s'en viennent, on est bien contents. Eh oui, Watson qui va faire son apparition, qui va faire son entrée, très courte, mais quand même, va être là jeudi prochain à l'Université Laval. Jeudi prochain, 11h30, ça va être à l'Atrium Jean-Guy Paquet et ici au pavillon Alphonse Desjardins. Ça va être une très belle occasion de découvrir ce projet-là. Un projet quand même assez hallucinant qui a été développé par IBM et les gens qui vont nous présenter ce projet-là mais sont les gens qui ont supervisé la réalisation justement de Watson. Et Watson, ce qu'il faut dire, David, c'est que c'était un pari extrêmement important pour IBM. La question, c'était de voir si l'intelligence artificielle était à ce point perfectionnée qu'elle pouvait rivaliser avec celle de la race humaine. Et là, finalement, avec le match de Jeopardy qu'on a eu? La réponse était oui. Eh oui. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé ce super ordinateur-là pour qu'il puisse aller compétitionner avec les deux plus grands gagnants de l'histoire de Jeopardy. On parle de Ken Jennings qui avait gagné 74 parties consécutives. On parle de Brad Rutter qui, lui, a le record du plus grand nombre de gains à l'émission. En fait, je pense que c'est 3,2 millions de dollars. Et donc, ils ont fait en février dernier deux matchs et Watson en est sorti grand vainqueur avec pratiquement un écart de plus de 50 000 $ de gains là, face à ses deux excellents compétiteurs. Alors le pari avait été relevé. Il faut dire aussi, c'est pas la première fois qu'IBM se lançait un défi du genre. On se rappelle peut-être Deep Blue en 1997, un ordinateur qui était parvenu à vaincre le champion mondial d'échecs Garry Kasparov. Et donc en 2011, on s'est dit bon, on va pousser un peu plus loin avec Watson, avec Jeopardy. Mais, mais IBM a fait vraiment un positionnement. Là. On s'est dit, nous, on laisse tomber un peu l'informatique parce qu'à un certain moment, ça a quand même été, ben, ça reste un ordinateur, mais ce que je veux dire, on a vraiment focusé sur les capacités d'intelligence artificielle plutôt que sur une plateforme autre, là, ou le travail ou quoi que ce soit. Là. C'est certain, en fait, qu'il y a quand même une idée de développement aussi assez stratégique derrière ça, l'idée de faire une percée au niveau de l'intelligence artificielle et donc, avec la démonstration réalisée avec Watson, ben, de vendre éventuellement aussi des clones du super ordinateur pour différentes applications commerciales, industrielles ou publiques. Ça, c'est évident. Et on s'est dit, ben regardez, faut développer l'intelligence artificielle. Et c'est très différent quand même de Deep Blue, le type d'intelligence qu'il a fallu développer. Avec Deep Blue, en fait, on s'attaquait aux échecs. Donc, c'est un exploit peut-être un peu plus matériel que Watson. Les échecs, c'est une planche de 64 cases, des règles, des pièces qui ont tout un rôle assez limité. Donc, l'algorithme qui était créé à ce moment-là était assez simple. Donc, ça allait simplement pouvoir prévoir le coup de l'adversaire. Ensuite, établir quel serait le meilleur mouvement à faire à partir de toutes les combinaisons possibles. Mais pour Watson, avec Jeopardy, c'est complètement autre chose. Parce que d'un côté, c'est pas un jeu qui se joue dans une perspective linéaire. On demande pas qui est Jacques Cartier ou qui a découvert l'Amérique pour les Européens. Des questions, ils peuvent avoir des jeux de mots, peuvent avoir des finesses, des sous-entendus. On prend simplement le terme Mercury, par exemple, en anglais. Ça peut vouloir dire autant le métal, autant la planète, autant une vieille marque de voiture ou encore le chanteur Freddie Mercury. Donc, il y a quand même un environnement... Plusieurs possibilités, exactement. Et l'ordinateur doit être en mesure, lui, de saisir les différents paramètres de la question, de faire une analyse à partir de l'information que lui a, des réponses qui sont envisageables face à cette question-là. Et aussi, comme à Jeopardy, ben, si on répond mal, on perd des points, on perd de l'argent. Donc, il faut aussi que l'ordinateur soit en mesure d'évaluer son assurance face à la réponse qu'il va proposer. Donc, un calcul de risque qui est fait en plus. Exactement. Et question justement de permettre à l'ordinateur d'aller chercher un maximum d'informations, eh ben ils lui ont donné pour Jeopardy l'équivalent d'à peu près 200 millions de pages de contenu structurés comme de l'anatomie, des atlas géographiques et autres, non structurés également comme des journaux, des documents historiques, des scénarios de films. Et donc lui, à partir de cette information-là, ben il va le chercher dans une perspective sémantique. Il va aller chercher l'information. Il va faire ça aussi extrêmement rapidement. Faut dire que c'est parmi les 100 ordinateurs les plus puissants sur Terre. En fait, l'ordinateur dans son ensemble compte à peu près 2880 quarts, donc peut effectuer 11 520 tâches en parallèle. Il y a une mémoire de 15 000 gigaoctets, une puissance totale de 80 tétraflops. Pour faire le parallèle, okay, l'usine d'IBM au Canada, à Bromont, a 4 tétraflops de puissance. Deep Blue avait 1 tétraflop, donc ça donne la force justement de Jeopardy. Il en a besoin de cette force-là pour être en mesure de réaliser ces opérations-là. Mais IBM, c'est ça. Et là, on va avoir... bon, ce sera pas nécessairement le Watson, le format réel qu'on va avoir ici. On va avoir probablement un modèle réduit, mais qui quand même témoigne, est une copie, mais miniaturisée. Ça risque d'être intéressant quand même de voir comment il va fonctionner. Sûrement qu'ils vont le faire fonctionner aussi, j'imagine. Et en fait, chose certaine, les gens qui vont être là sont ceux qui ont supervisé cette équipe-là. C'est des chercheurs donc qui viennent du Centre Thomas G. Watson, du cœur donc d'IBM. Et donc, ça va être une opportunité, en fait, de rencontrer ceux qui, finalement, ont réussi à réaliser ce défi-là, à relever ce défi-là, qui est quand même extrêmement important. Il faut dire que le vrai Watson, lui, est en train de se gaver d'informations, de nouvelles informations, parce que il est en train d'être préparé pour la sphère de la médecine. Il va être utilisé dans la recherche et le diagnostic pour le cancer, parce que en fait, c'est le mal qui progresse le plus vite aux États-Unis, et semble-t-il qu'il y a 10 à 15 % des diagnostics initiaux qui sont erronés. Alors, on va être en mesure de corriger ça grâce à Watson, dans la mesure où lui va aller chercher de l'information scientifique, des témoignages, des rapports et autres. Et un peu comme avec Jeopardy, face à certains symptômes, à certaines questions, il va être en mesure de donner un diagnostic statistique, en fait. Mm-hmm. Donc, de dire, ben, je crois qu'à 100% de chance que ce soit cette maladie-là. Et donc, ça sera extrêmement intéressant comme utilisation. Il va être testé, bien entendu, aussi auprès de médecins pour s'assurer justement de la qualité diagnostique avant de le rendre disponible. Et ensuite, ben, ce sera de voir aussi d'autres utilisations qui peuvent être faites. Mais donc, vraiment, jeudi prochain, le 3 novembre, ça va être une forêt dans cet univers-là, l'occasion pour les amateurs d'informatique, ben, de rencontrer l'équipe qui a développé cet ordinateur-là et de voir comment ils s'y sont pris. L'opportunité pour ceux qui trippent moins informatique, si on me permet l'expression, mais qui ont envie de découvrir comment s'est réalisée cette aventure-là, quels ont été les défis, quelles ont été les manières dont on les a relevés. Donc, ça risque d'être extrêmement stimulant pour à peu près tout le monde. C'est une conférence qui est ouverte à tous. Bien entendu, les conférenciers étant américains, la conférence va être donnée en anglais, mais par contre, le diaporama à l'arrière, lui, va être en français. Donc, ça permettra d'aller chercher les équivalences. Donc, ça, c'est jeudi prochain, le 3 novembre à 11h30 à l'atrium Jean-Guy Paquet du pavillon Alphonse Desjardins, donc à l'Agora du Desjardins. Excellent. Merci, Raymond. Et c'est pas tant, en fait, comme tu le disais, c'est pas tant l'ordinateur en tant que tel qui va être le fun à regarder. Je pense que c'est plus les applications, la réflexion autour d'un tel ordinateur qui risque d'être pas mal plus intéressante là, que l'ordinateur lui-même. Ça reste un ordinateur, donc ça reste du matériel. Mais toutes les applications qu'on peut en donner, là, ça risque d'être très intéressant. Merci, Raymond. Ça me fait plaisir. Donc, à jeudi prochain.